إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. Chers auditeurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami'ikum hayakumullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous reprenons l'explication du livre de la science du recueil authentique de l'imam muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés au quatrième chapitre. Donc l'auteur nous dit, rahmahullah, du suivi de la voie des juifs et des chrétiens. Suhayd ibn Sa'id rapporte, Hafs ibn Maysara nous rapporte, Zayd ibn Aslam me rapporte, d'après Atta ibn Yassar, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez certes à la trace les voies de ceux qui vous ont précédé, en pan par en pan et coudée par coudée, au point où même s'ils s'introduisent dans le trou d'un lézard, vous ferez de même. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandèrent au prophète d'Allah: s'agit-il des juifs et des chrétiens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: qui d'autre? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette communauté suivra les traces des mécréants. Et cette information englobe une mise en garde et une interdiction. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le suivi des mécréants. Et il y a de nombreuses preuves dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet. Dans le Coran, nous avons la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, lorsqu'il dit: Ya ayyuha alladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wa lil kafirina 'adhabun alim. Ô vous qui croyez, ne dites pas: prête-nous attention, mais dites: regarde-nous et écoutez, un châtiment douloureux est réservé aux mécréants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux croyants de ressembler aux mécréants dans leurs propos, car à l'époque, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait s'adresser au prophète, il disait « Ra'ina » c'est-à-dire prête-nous attention. Néanmoins, les Juifs disaient cela également. Mais leurs paroles voulaient dire qu'Allah te frappe de bêtises. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de dire cette parole pour ne pas ressembler aux Juifs. Quant aux preuves de la Sunna, nous avons le hadith que l'imam muslim a mentionné ici. Également, celui de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui imite un peuple en fait partie. » Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Et le suivi des mécréants indique leur amour, car la personne suit et veut ressembler à celui qu'il aime. Il faut prendre garde à leur ressembler. Et Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah nous dit à ce sujet que leur ressemblance en apparence indique leur amour. Et le musulman a l'obligation de se désavouer des mécréants et des polythéistes. On tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est un signe de la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il informa d'une chose qui s'est produite. Et malheureusement, nous le vivons à notre époque. Nous voyons de plus en plus de musulmans imiter les mécréants, que ce soit dans l'habillement, la coiffure, la manière de réfléchir et dans beaucoup d'autres choses. Et ce qui est le plus dangereux est que certains musulmans imitent les mécréants dans la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le deuxième enseignement est l'interdiction de ressembler aux mécréants. Et le troisième enseignement est de questionner les gens de science pour les choses qui nous posent problème. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé plus de précision au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur nous dit, Abu Bakr ibn Abi Shayba nous rapporte, Hafs ibn Riyaf et Yahya Ibn Saïd nous rapporte, d'après Ibn Jurayj, d'après Suleyman Ibn Atiq, d'après Talq Ibn Habib, d'après Al-Ahnaf Ibn Qays, d'après Abdullah Ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malheur aux exagérateurs !» Il le répéta trois fois. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté contre l'exagération, car c'est une chose blâmable. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit à toutes les communautés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ. Dis aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, outrepassant ainsi la vérité. Et l'une des caractéristiques des gens de la Sunna est le juste milieu. En effet, ils sont toujours entre l'exagération et le laxisme, entre l'exagération des Khawarij et le laxisme des Murji'a. Ils sont dans le juste milieu, dans la foi, le destin, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance envers les compagnons et dans tous les domaines. Et être dans le juste milieu est une caractéristique louable, au contraire de l'exagération qui est blâmable et mène à l'égarement. Et l'exagération se divise en plusieurs catégories. Parmi elles, nous avons la première catégorie qui est l'exagération dans les paroles. Cela consiste à utiliser des mots difficiles que les gens ne comprennent pas. Parler d'une manière qui n'est pas adaptée aux gens. Également, fait partie de l'exagération dans les paroles, le fait de parler de sujets que les gens ne comprennent pas ou que les gens n'ont pas besoin. Malheureusement, certains prêcheurs, au lieu d'appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur apprendre la croyance authentique, ils préfèrent parler des choses hors sujet, telles que la politique ou ce qui se passe dans d'autres pays. Et les gens de la masse n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'apprendre la science bénéfique, ce qui va leur permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, prier et faire les ablutions correctement. Et ils n'ont rien profité avec ces prêcheurs qui passent leur temps à parler de l'actualité et ceci est considéré comme de l'exagération. Et en général, leur but est de montrer aux gens qu'ils comprennent bien les choses et qu'ils sont plus cultivés que les autres. Et tout cela est de l'exagération. Car ce qui est demandé aux prêcheurs, c'est de clarifier aux gens ce qu'ils ont besoin d'une manière qui leur est adaptée. Quant à celui qui veut montrer son éloquence ou sa personnalité, il rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheur aux exagérateurs. La deuxième catégorie est l'exagération dans l'épreuve. Cela consiste à délaisser l'épreuve du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'épreuve rationnelle. Ceux qui se sont adonnés à la philosophie et à ce qu'on appelle « ilmul kalam » disent que l'épreuve du Coran et de la sunna n'indique pas la certitude. Et c'est plutôt l'épreuve rationnelle qui l'indique. Et ceci est de l'exagération. Et c'est d'ailleurs l'une des causes qui les a menés à l'égarement. Et ceux qui sont sur cette méthodologie n'ont rien appris et n'ont rien profité. Et certains d'entre eux l'ont même reconnu à la fin de leur vie en disant qu'ils auraient préféré mourir sur la croyance de leur mère qui, elle, était sur la fitra. Et ceci est malheureusement la fin de ceux qui exagèrent de la sorte. La troisième catégorie et l'exagération dans l'adoration qui consiste à rajouter des unités de prière par exemple ou encore prier toute la nuit continuellement ou encore jeûner tout le temps. Ceci est de l'exagération et le juste milieu est comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je prie et je dors, je jeûne et je romps, et je me marie avec des femmes, et quiconque s'écarte de ma sunna n'est pas des miens. » La quatrième catégorie, l'exagération envers les personnes. Et cette catégorie est malheureusement très répandue. Et on peut même la retrouver chez certains qui s'affilient à la science et à la jurisprudence. En effet, certains exagèrent envers certaines personnes de science. Lorsque le cheikh s'égare, les élèves le suivent dans son égarement et se fanatisent pour lui. Lorsqu'il tombe dans un grand péché, qui est mentionné dans plusieurs versets du Coran. Il lui cherche des excuses infondées. Lorsque le shir va parler sur des gens connus pour leur droiture et pour leur attachement à la voie des pieux prédécesseurs, lorsqu'il va parler sur eux sans preuve, ils vont le suivre sous prétexte qu'il s'appelle un tel ou sous prétexte qu'avant de faire quelque chose d'important, il fait la prière de consultation. Et tout ceci est de l'exagération. Il faut aimer les gens de science, les respecter et les défendre. Néanmoins, il ne faut pas faire preuve d'exagération et de fanatisme à leur égard. Car l'exagération est la cause de l'égarement de beaucoup de sectes, telles que les Khawarij et les Mu'tazila, pour ne citer que. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé les Khawarij à sortir contre Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu? Qu'est-ce qui les a poussés à l'assassiner, si ce n'est l'exagération? Ensuite, l'auteur nous dit Shayban ibn Farrukh nous rapporte, Abdul Warith nous rapporte, Abu At-Tayyah nous rapporte, Anas ibn Malik nous rapporte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les signes de l'heure, le savoir disparaîtra, l'ignorance s'enracinera, on consommera du vin et la fornication se propagera. Ensuite, il dit Muhammad ibn Muthanna et ibn Bashar nous rapportent. Muhammad ibn Ja'far nous rapporte. Shu'ba nous rapporte. J'ai entendu Qatada rapporter d'après Anas ibn Malik. Ne vous rapporterai-je point un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que personne qui l'a entendu de lui ne vous rapportera après moi parmi les signes de l'heure. La science disparaîtra, l'ignorance apparaîtra, la fornication se propagera, on consommera du vin, les hommes disparaîtront et les femmes survivront, si bien que pour 50 femmes, il ne restera qu'un seul homme pour les prendre en charge. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de certains signes de l'heure. Il a tout d'abord commencé par la disparition de la science, c'est-à-dire par la mort des savants. Car ce qui est voulu par la science, c'est celle qui est profitable, celle qui incite à la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les savants sont ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le dit dans Sourate Fatir, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les hommes, seuls les savants craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nos jours, nous remarquons que les savants sont peu nombreux, surtout que ces dernières années, beaucoup de savants sont décédés, tels que Cheikh Zayd al-Matkhali, Cheikh Mohammed al-Ethiopi, Cheikh Yahya al-Mudarris, Cheikh Hassan al-Banna, Cheikh Salih al-Luhaydan, qu'Allah leur fasse miséricorde, et la liste est longue. Le deuxième signe est l'apparition de l'ignorance, car forcément, si la science disparaît, l'ignorance apparaît. De ce fait, les ignorants qui pensent avoir de la science seront très nombreux. Ceux qui ont la conviction, qu'ils sont savants, alors qu'ils sont en vérité ignorants. Et il est fort probable que ces deux signes soient déjà apparus. C'est pour cela que le musulman doit faire beaucoup d'efforts dans l'apprentissage de la science, car le faux et les gens du faux sont de plus en plus nombreux, et les savants sont de moins en moins. Par conséquent, la communauté a besoin d'étudiants en sciences religieuses pour enseigner aux gens la religion et pour la propager. Alhamdoulillah, dans la communauté, nous ne manquons pas de médecins, d'ouvriers, d'architectes et autres. Lorsque tu rentres dans une ville, tu trouves des médecins, tu trouves des ouvriers, tu trouves des architectes, walhamdoulillah. Néanmoins, c'est probable que tu ne trouves pas grand monde pour t'enseigner la croyance authentique. Le troisième signe est la propagation de la fornication. Et les causes de la propagation de la fornication sont très nombreuses. Parmi elles, nous avons la mixité. Le fait qu'il y ait de la mixité au travail, à l'école, dans les transports et autres, sont une grande cause de la propagation de la fornication. Également, nous avons l'augmentation des prêches visant clairement à émanciper la femme. Aujourd'hui, beaucoup de gens font croire à la femme qu'elle est identique à l'homme et qu'elle ne doit obéir à personne, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et par conséquent, de nombreuses musulmanes commencent à avoir ce genre d'idéologie, et le résultat de tout cela est souvent catastrophique. Car plus la femme va s'exposer, et plus elle risque de tomber dans le péché et dans les turpitudes. Également, nous avons le fait que de plus en plus de femmes montrent leur beauté aux hommes étrangers. Et cette cause, selon certains savants, tels que Ash-Sheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, est l'une des plus grandes causes de la propagation de la fornication. Aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de musulmanes, le voile est devenu un habit de mode. Certains pensent que le voile sert juste à cacher les cheveux. Et nous sommes bien loin de ce que certains savants ont rapporté des femmes d'antan qui avaient l'habitude de cacher leur visage devant les hommes étrangers. Ibn Hajar nous dit, dans son livre intitulé Fathul Bari, je cite, « Les femmes ne cessent d'avoir pour habitude de cacher leur visage devant les hommes étrangers. » Fin de citation. Le quatrième signe est la consommation du vin. C'est-à-dire que le vin sera consommé comme n'importe quelle boisson licite. Tu le trouveras au supermarché, au même titre que l'eau et le jus de fruits. Pourtant, les gens sont conscients que c'est interdit. Mais c'est devenu tellement répandu que cela est devenu monnaie courante. Le cinquième signe est que les hommes disparaîtront et les femmes resteront, si bien que pour 50 femmes, il ne restera qu'un seul homme pour les prendre en charge. Et les savants ont dit que les hommes disparaîtront car ils sont plus exposés au danger. Également, car les filles naîtront en masse et seront plus nombreuses que les garçons. Ensuite, l'auteur nous dit, Qutayba Ibn Sa'id nous rapporte, Jarir nous rapporte, d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père, j'ai entendu Abdullah ibn Amr ibn al-As dire, certes, Allah ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des cœurs des serviteurs, mais il l'a fait disparaître par la mort des savants. au point où lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront des ignorants comme dirigeants qui seront questionnés. Alors ils vont répondre sans science et ainsi vont s'égarer et vont égarer. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la perte des savants est un signe de trouble. Car les savants clarifient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et montrent l'exemple. Car le savant est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et met en application la science qu'il a acquise. La perte des savants est une grande épreuve pour la communauté. Et c'est l'une des causes que le mal se répand. Et nous avons une preuve de cela dans l'histoire du prophète Nuh, alayhi salam. Il y a certes 10 siècles qui séparent Adam et Nuh, alayhi salam. Et pendant cette période, tout le monde était sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait pas de shirk. Les savants étaient vivants et clarifiaient la vérité aux gens. Puis lorsque les savants sont décédés, le shirk s'est propagé car il n'y avait plus personne pour clarifier aux gens la vérité. Et il arrivera une époque où il n'y aura plus de savants. Les livres seront encore présents, mais ce ne sera pas suffisant. Pour preuve, à l'époque, Benou Israël avait en leur possession la Torah et l'Évangile. Mais comme ils n'avaient pas de savants pour leur montrer la vérité, ils se sont égarés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud: les meilleures personnes sont ceux de mon époque, ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et l'une des causes pour laquelle les compagnons sont les meilleures personnes après les prophètes, c'est parce que beaucoup d'entre eux sont des savants et le bien était immense à leur époque et il y avait très peu de troubles. Car la présence des savants est une sécurité, tout comme la présence des ignorants est une cause d'épreuve. Car lorsque les troubles arrivent, les savants en ont connaissance, tandis que l'ignorant a connaissance des troubles une fois qu'ils sont terminés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré cela dans l'histoire de Qarun. Car lorsque les ignorants virent Qarun faisant l'étalage de tout son faste, ils l'envièrent et voulurent une richesse semblable à la sienne, alors que sa richesse était une fitna et elle fut l'une des causes principales de son égarement. Quant aux savants, ils ont immédiatement conseillé les ignorants et leur ont rappelé Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Ceux qui étaient doués de science dirent: malheur à vous! La récompense d'Allah est bien meilleure pour celui qui croit et accomplit des œuvres pieuses. Mais cela n'est accordé qu'à ceux qui patientent. Puis après que Qarun périt, les ignorants se rendirent compte que c'était en vérité une fitna et que les savants avaient raison. Et on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est le mérite des savants, car en leur présence, le mal et les troubles diminuent. Le deuxième enseignement est une incitation à prendre la science des savants tant qu'ils sont encore vivants. Le troisième enseignement est la dangerosité de délaisser les savants pour revenir aux ignorants, car les ignorants s'égarent et égarent les gens. Ensuite, l'auteur nous dit, Zuhair ibn Harb me rapporte, Jarir ibn Abdul Hamid me rapporte, d'après Al-A'mash, d'après Moussa ibn Abdullah ibn Yazid et Abu Duha, d'après Abdurrahman ibn Hilal Al-Abbasi, d'après Jarir ibn Abdullah, des bédouins vêtus de laine vinrent trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il remarqua leur mauvaise condition, car ils étaient dans le besoin. Il incita alors les gens à faire l'aumône, mais ils tardèrent à réagir, si bien qu'on put lire la colère sur son visage. Puis un homme des Ansar arriva avec un panier contenant de l'argent, puis un autre arriva, puis ils se succédèrent si bien qu'on vit la joie sur son visage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara alors, quiconque instaure en islam une bonne tradition que l'on met en pratique après lui, on lui inscrira la même récompense que celui qui la met en pratique, sans que leur récompense ne soit en rien diminuée. Et celui qui instaure en islam une mauvaise tradition que l'on met en pratique après lui, on lui inscrira le même péché que celui qui la met en pratique, sans que leur péché ne soit en rien diminué. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui fait une bonne action que l'on met en pratique après lui aura la même récompense que celui qui la met en pratique. Également, il nous informe que celui qui fait une mauvaise action que l'on met en pratique après lui, on lui inscrira le même péché que celui qui la met en pratique. Et il y a dans ce hadith une incitation à montrer l'exemple dans le bien. Et ce hadith n'indique en rien que l'innovation se divise en bonne et mauvaise. Car c'est ce qu'a prétendu certaines personnes. Selon eux, il est permis de faire une innovation si elle est bonne et si elle amène à un bien. Et ils donnent l'exemple du Mawlid. Selon eux, c'est une bonne innovation. Car lors du Mawlid, les gens se rappellent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnent de la nourriture en aumône, lisent le Coran, et leur compréhension n'est pas bonne. Premièrement, car la cause de ce hadith prouve que ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque instaure en islam une bonne tradition, est l'action légiférée, car l'aumône est une action légiférée. Deuxièmement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'instauration de toute chose nouvelle en religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Et il dit, alayhi salam, dans le hadith d'Al-Ibad ibn Sariyah, et prenez garde aux choses nouvelles en religion, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Par conséquent, ce hadith n'est pas un argument quant à l'affirmation qu'il y a des bonnes innovations. Ensuite, l'auteur nous dit, Yahya ibn Ayyub, Qutayba ibn Sa'id et ibn Hujr nous rapportent, Ismaïl, c'est-à-dire ibn Ja'far, nous rapporte, d'après Al-Ala, d'après son père, d'après Abu Huraira. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui appelle à la droiture aura la même récompense que ceux qui la suivent, sans que leur récompense ne soit en rien diminuée. Et celui qui appelle à l'égarement aura le même péché que ceux qui le suivent, sans que leur péché ne soit en rien diminué. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui appelle à la droiture, c'est-à-dire celui qui enseigne aux gens et qui leur clarifie la vérité. Par exemple, si tu indiques à quelqu'un de faire le witr et que tu l'incites à cela et le motives, puis qu'il finit par le faire, tu auras la même récompense que lui, sans que sa récompense ne soit diminuée. Pareil, s'il vient à inciter une autre personne et qu'elle aussi fait le witr, tu auras la même récompense que lui. Et on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est l'immense récompense de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a appelé la communauté à la droiture. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera récompensé pour chaque action accomplie par le croyant. Le deuxième enseignement est l'erreur de certaines personnes qui offrent la récompense de leur action au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, par exemple, avant de prier, vont dire: ô Allah, accorde la récompense de mon action au prophète. Et ceci est une erreur, car aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait cela. Pareil pour les tabi'in, ainsi que ceux qui les ont suivis. Cette action est apparue au 4e siècle de l'Hégire et n'était pas connue avant cela. Le troisième enseignement est le mérite d'enseigner le bien. Et le quatrième enseignement est la gravité d'enseigner le mal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.